Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Sereine attente. Du chevalier à la rose. Pas de rancœur, plus de douleur. Ni même de peur, juste attendre notre heure. Savoir que l'avenir un jour sourira à celui qui sans faille garde la foi. Surmonter chaque difficulté, se préparer à devoir encaisser. La souffrance de ces instants, de ce futur qui devient présent, sera finalement si peu de chose face à notre destinée emplie de roses. Et chaque fois que tu iras souffrir loin de toi, j'attendrai que tu reviennes auprès de moi, afin de t'offrir mes bras réconfortants, les seuls qui t'apaisent véritablement. Puis viendra le jour béni, où tu accepteras l'authentique bonheur et où tu laisseras à l'envie l'amour vrai emplir ton cœur. Alors, je soignerai chacune de tes blessures. Patiemment, j'appliquerai un baume post-rupture, partageant avec toi nos instants d'éternité, pour que plus jamais tu n'aies à trembler.